sur le détroit de Gibraltar. Vogue, vogue vers le merveilleux royaume du Maroc, du Maroc. Abdelmalik et son titre Gibraltar sur RGM. Un peu plus de 8h36, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 14 mars 1933. Naissance de Michael Caine, acteur, producteur britannique vu dans Anna et ses sœurs dans le rôle d'Eliot, récompensé par l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Mona Lisa, Les Dents de la Mer 4, L'œuvre de Dieu, La Part du Diable dans le rôle du docteur Wilbur Lark, récompensé également par l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, vu aussi dans Austin Powers dans Goldmember, Batman Begins, The Dark Knight, le Chevalier Noir et The Dark Knight Rises dans le rôle d'Alfred, vu aussi dans Inception dans le rôle de Miles, dans Insaisissable 1 et 2 dans le rôle d'Arthur Tressler, Interstellar dans le rôle du professeur John Brand ou encore Braquage à l'ancienne et plus récemment Dunkerque. C'est également l'année de naissance de Quincy Jones, musicien américain célèbre, producteur. À ce jour, il a remporté pas moins de 27 Grammy Awards et on écoute tout de suite un extrait de son titre Soul Bossa Nova. Voilà pour Quincy Jones. Allez, on continue les anniversaires. 1939, naissance de Bertrand Blier, réalisateur scénariste français, réalisateur et scénariste des films Les Valseuses, Préparez vos mouchoirs, qui a obtenu l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, Buffet froid, César du meilleur scénario original ou adaptation, Notre histoire, César du meilleur scénario original ou adaptation, Tenue de soirée, Trop belle pour toi, César du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario original ou adaptation. Et on lui doit également Convoi exceptionnel sorti hier au cinéma et scénariste du film Pédale dure. 1948, naissance de Billy Crystal, acteur américain connu pour son rôle de Larry dans Harry dans tous ses états et son rôle du docteur Ben Sebel dans Mafia Blues 1 et 2. 1958, naissance d'Albert de Monaco, prince souverain de Monaco depuis le 6 avril 2005. 1959, naissance de Patrick Dupont, danseur français nommé danseur étoile de l'Opéra National de Paris en 1980 et récemment l'a vu à la télévision dans Danse avec les stars où il a été juré. Peut-être qu'il reviendra la saison prochaine, on ne sait pas encore. 1968, naissance de Megan Follows, actrice canadienne, vue dans les séries Cold Case, Affaires classées, Doctor House ou encore Rain, le destin d'une reine dans le rôle de la reine Catherine de Médicis. 1974, naissance de Grace Park, actrice et mannequin américano-canadienne, connue pour son rôle de Shannon Eng dans la série télé Edgemont, son rôle du lieutenant Sharon Valerie alias Boomer dans Battlestar Galactica ou encore son rôle de Kono Kalakawa dans Hawaii 5-0. 1975, naissance d'Abdelmalik, rappeur slammer français. 1977, naissance de Monica Cruz, actrice espagnole connue pour son rôle de Silvia Raorelli dans la série télé Undo Stress. 1978, naissance de Peter Van Den Hoogenband alias VDH, ancien nageur néerlandais ayant fait carrière de 1994 à 2008, hein, spécialiste des épreuves en nage libre, hein, le 100 mètres et le 200 mètres. Aux Jeux Olympiques, il a remporté 3 médailles d'or, 2 d'argent et 2 de bronze. Championnat du monde grand bassin, 1 médaille d'or, 8 d'argent, 2 de bronze. En petit bassin, 1 d'or, 1 d'argent, 1 de bronze. Au championnat d'Europe grand bassin, 10 médailles d'or, 4 d'argent et 3 de bronze. Et en petit bassin, 7 médailles d'or, 4 d'argent et 3 de bronze. 1979, naissance de Nicolas Nelka, ancien footballeur français, ayant fait carrière de 1996 à 2015 en jouant au PSG. PSG, Arsenal au Real Madrid, de nouveau PSG à Liverpool, Manchester City au Fenerbahçe, au Bolton Wanderers, à Chelsea, à Shanghai Shenhua, à la Juventus, à West Bromwich Albion et enfin il a terminé en jouant au club de Mumbai City FC. C'est également l'année de naissance de Chris Klein, acteur américain connu pour son rôle de Chris Ostrecher alias Oz dans American Pie 1, 2 et 4. 1980, naissance d'Éric Bois, escrimeur français médaillé d'or par équipe au JO de 2004. En championnat du monde, il compte 3 médailles d'or remportées par équipe et une médaille d'argent remportée en individuel. C'est également l'année de naissance de Mercedes McNabb, actrice canadienne connue pour son rôle d'Harmony Kendall dans les séries Buffy contre les vampires et Angel, vue aussi dans Dawson, Preuve à l'appui, Supernatural ou encore Esprit criminel. 1983, naissance de Vita, chanteuse française qu'on écoutera un petit peu plus tard. Et c'est également l'année de naissance de Taylor Hanson, chanteur musicien américain, membre du groupe Hanson, hein, c'était des frères, connus pour leur titre M-Bop, dont on écoute tout de suite un extrait. Pour le groupe Hanson. Allez, on continue. 1986, naissance de Jimmy Bell, acteur britannique, vu dans Billy Elliot, dans le rôle de Billy Elliot, en 2005 dans King Kong, Mémoire de nos pères de Clint Eastwood, dans le rôle de Ralph Ignatowski, Jumper, Les aventures de Tintin, Le secret de la licorne, dans le rôle de Tintin, Nymphomaniac 2, en 2015 dans Les quatre fantastiques, dans le rôle de Ben Grimm, alias La Chose. 1987, naissance d'Aravane Rezaï, ancienne joueuse de tennis française, ayant fait carrière de 2005 à 2014, qui a été numéro 15 mondial en 2010, 8e de finaliste à Roland-Garros ainsi qu'à l'US Open, 16e de finaliste à l'Open d'Australie et à Wimbledon. 1988, naissance de Stephen Curry, basketteur américain qui évolue depuis 2009 pour les Warriors de Golden State, réputé pour ses qualités au tir à 3 points. Il est le joueur ayant inscrit le plus de paniers à 3 points en 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 et considéré comme l'un des meilleurs tireurs de l'histoire de la NBA, 3 fois champion NBA en 2015, 2017 et 2018. 1989, naissance de Colby O'Donis, chanteur américain, connu pour avoir participé sur le titre Beautiful du chanteur Akon, dont on écoute tout de suite un extrait. Make you stay.

faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi, je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les hommes, si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne, si tu le veux, prends, je te le donne. Vita Slimane, je te le donne sur le 107FM, 8h51, on parle météo. La météo. Et aujourd'hui, ce sera de la pluie, de la neige en montagne, des températures comprises entre 4 et 5 degrés ce matin, entre 7 et 9 degrés cet après-midi. Vendredi, journée pluvieuse, des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin, entre 10 et 11 degrés l'après-midi. Samedi, journée nuageuse, des températures comprises entre 7 et 8 degrés le matin, entre 10 et 12 degrés prévues pour samedi après-midi. Allez, on file faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. En football, en Ligue des Champions, le FC Barcelone n'a fait qu'une bouchée hier soir de l'Olympique Lyonnais en s'imposant 5 buts à 1. Et Liverpool s'est qualifié en s'imposant 3 buts à 1 sur la pelouse du Bayern Munich. En Europa League, ce soir, Rennes se déplace à Arsenal et Chelsea se déplace au Dynamo Kiev. Et à noter qu'aujourd'hui, Didier Deschamps annonce sa liste de joueurs retenus pour affronter la Moldavie et l'Islande. Un mot de biathlon avec les championnats du monde d'Östersund. Hier après-midi, c'était l'individuel messieurs. Une épreuve encore compliquée pour Martin Fourcade qui a commis 4 fautes au tir, qui est loin d'avoir ses sensations sur les skis. Il a donc terminé très loin, une 39e place, loin de ses standards habituels. Il a déclaré « C'est compliqué de sentir qu'on ne peut rien jouer. Je me suis mis vite à penser au relais. » En espérant voilà, qu'il reprenne un peu du poil de la bête pour le relais messieurs de samedi. À noter qu'il y a également une mass start dimanche. Mais selon ses dires en interview, on avait plutôt l'impression de comprendre, si on lit entre les lignes, qu'il pensait peut-être faire l'impasse sur la mass start. Mais le coach de l'équipe de France a dit qu'il allait essayer de lui redonner baume au moral, on va dire. Baume au cœur. Et cet individuel a été remporté par l'Allemand Arne Pfeffer devant Iliev et devant un Norvégien, mais ce n'est pas Johannes Bø, c'est son grand frère, Tarje Bø, qui s'est donc classé 3e de cet individuel. Le premier français, c'est Simon Détieux, très en forme sur les skis en ce moment. Avec un 17 sur 20, il se classe 6e. 12e, Quentin Fillon-Maillet avec un 18 sur 20. Simon Fourcade, 18 sur 20, termine 19e. Et à noter que Florent Claude a terminé 32e et avec malheureusement 2 fautes sur le dernier tir. Et bien voilà, ça l'a relégué un petit peu plus loin. Aujourd'hui à 17h10, le single mixte relais composé d'Antonin Guigona et de Julia Simon. Et côté norvégien, on sait que ce sera Johannes Bø. Pour les hommes, il a d'ailleurs déclaré, toujours sur la chaîne L'Équipe, qu'il redoutait le tir d'Antonin Guigona. Un mot de cyclisme maintenant avec le Tirreno Adriatico qui a mal commencé pour Nasser Bouhanni. C'était un contre-la-montre par équipe, mais le Vosgien a terminé hors délai. Son équipe a communiqué sur les réseaux sociaux en indiquant que le sprinter vosgien était malade. En basket, en NBA, cette nuit, l'équipe d'Orlando, d'Evan Fournier, à 8 points, s'est inclinée face à l'équipe de Washington de Miami qui n'a pas joué, 100 à 90. L'équipe de Memphis de Joakim Noah s'est inclinée face à Atlanta, 132 à 111, 12 points et 8 rebonds pour le Français. L'Utah Jazz de Rudy Gobert s'est imposée face à l'équipe de Phoenix d'Okobo, 114 à 97, une assistante seulement pour Okobo et pour Rudy Gobert, 18 points, 20 rebonds. Et enfin, les Golden State Warriors de Stephen Curry à 24 points se sont imposés en face à Houston. On termine avec du tennis à Indian Wells. Gaël Monfils, on ne l'arrête plus, s'est imposé en 2-7 face à Cole Schreiber, 6-0, 6-2, 57 minutes de jeu. Rafael Nadal s'est qualifié en 2-7, tout comme Federer, Raonic et Thiem. Et à noter Kisner, lui, s'est incliné en 2-7. Aujourd'hui, Gaël Monfils aura un gros match face à Dominic Thiem et Raonic affrontera Kecmanovic. Côté féminin, notez l'élimination de Muguruza en 2-7 face à Andreescu et Svitolina s'est qualifiée en 3-7 face à Vondrousova. Aujourd'hui, Pliskova affronte Bencic et Kerber se reposer à Venus Williams. Allez, tout de suite, dernière pause musicale avec Alain Bashung et son titre Osez Joséphine. À l'arrière des berlines, on devine des monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux. À qui sourit la vie. Marchez sur l'eau, évitez les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, osez Joséphine. Osez, osez Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Usez le sourire, usez l'usurier. Soyez ma muse. Que ne dure que les moments doux, dure que les moments doux. Et que ne dure. Osez, osez Joséphine. Osez, osez Joséphine. Mais rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Osez, osez. Osez, osez. Osez, osez Joséphine. Osez, osez Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Alain Bashung, Osez Joséphine sur RGM. Un peu plus de 8h58 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir avant de se quitter. Un point sur ce qui vous attend aujourd'hui à 9h, la rediffusion de La Parole est à vous avec Michel. 10h, vous retrouverez Les Oreilles du Monde avec Camille et Flo. 13h30, la rediffusion de la chronique de Michel. 15h, rediffusion d'À l'écoute des jeunes. 16h, Les Années Bonheur avec Gilou. 20h, Jukebox. 23h, Rock à la Casbah. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.